En 2023, si vous voulez continuer à boire de l'eau, il va falloir payer plus cher. C'est pas une blague. Les collectivités ont décidé de revoir à la hausse les tarifs de l'eau au 1er janvier 2023. Cette hausse est due à l'envolée des prix de l'énergie et également à l'achat des réactifs qui sont nécessaires pour rendre l'eau potable. Mais pas de panique, les petits consommateurs vont être avantagés. Ainsi, pour les petits consommateurs d'eau, l'augmentation ne sera que de 1,50€ par mois. Par contre, pour les gros consommateurs, l'augmentation de la facture pourrait aller jusqu'à plus 18% selon les communes. Donc, si vous voulez économiser, buvez moins d'eau. Faudra que je pense à faire sponsoriser mes vidéos par une grande marque d'alcool. Pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ève. Éveil d'essence, elle adore prendre des bains. Et elle n'est pas la seule. Il y a une étude extrêmement sérieuse qui nous dit que les femmes, en moyenne, passent 7 années dans leur salle de bain. Et les hommes, quant à eux, passent 3 années devant la salle de bain à demander à leur épouse quand est-ce qu'elle sera prête. Quoi qu'il en soit, Ève adore prendre des bains. Et devant la porte, Cicéron attend. Cicéron, c'est pas Carrel, je vous en ai parlé, c'est l'époux de Ève. Et Cicéron a une très mauvaise nouvelle a annoncé à Ève. Au bout d'un petit moment, il trouve le meilleur moyen de le faire. Il fait passer un papier sous la porte de la salle de bain. Le papier disparaît, Ève l'a attrapé de l'autre côté de la porte, et il ne faut que quelques secondes pour la voir passer la porte furibarde. Elle a à peine eu le temps de mettre une serviette autour de sa taille. Et tout de suite, elle fonce jusqu'au téléphone. En fait, Ève vient de découvrir que sa facture d'eau a augmenté de 18%. 18% d'augmentation sur l'eau. En fait, la plupart des communes ont décidé en France d'augmenter les prix de l'eau. L'augmentation, elle varie d'une commune ou plutôt d'une collectivité à l'autre. Les plus économes ont fait une augmentation d'1,50€ par foyer. Là, on est dans quelque chose de relativement petit. Mais l'augmentation, on la voit très souvent entre 15 et 18%. Bref, c'est un véritable hold-up au pistolet à eau. Ève fonce donc jusqu'à son téléphone et elle décide d'appeler la municipalité. Après tout, c'est eux qui gèrent l'eau chez elle. Elle appelle et elle obtient au bout du téléphone Jean-Philippe. Jean-Philippe perd vite mon slip, est un macroniste de la première heure et grâce à ça, il s'est retrouvé à la mairie responsable de tout ce qui est approvisionnement en eau. Bref, il a au téléphone Ève qui commence immédiatement à lui demander pourquoi les prix de l'eau ont autant augmenté. Jean-Philippe, dans un premier temps, il pense à lui dire c'est la guerre en Ukraine. Après tout, chez les macronistes, c'est devenu presque un réflexe conditionnel. Quelque chose monte, un problème, une pénurie, c'est la guerre en Ukraine. C'est la faute à Poutine. Mais dès qu'il sent que Ève se pose quand même des questions sur les raisons pour lesquelles les chars de Poutine auraient augmenté le prix de l'eau dans sa baignoire, eh bien Jean-Philippe lui donne les autres raisons. La première, c'est l'augmentation des prix de l'électricité. On en a très souvent parlé sur cette chaîne. Les prix de l'électricité ont bondi. Ils ont bondi d'une part parce qu'on a arrêté le nucléaire et qu'on s'est beaucoup intéressé aux énergies renouvelables et donc qu'on a été obligé de mettre en place des centrales thermiques. Bah oui, parce que quand une éolienne ne tourne pas, il faut malgré tout produire de l'électricité et donc on a besoin de centrales thermiques pour ça et que les centrales thermiques marchent énormément au gaz. Et puis il y a aussi comme raison le fait que l'on dépende du marché ou du prix européen de l'électricité. C'est-à-dire qu'on fixe le prix sur le coût marginal de production qui est généralement le coût du gaz. Comme j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, je ne vais pas maintenant vous réexpliquer comment fonctionne ce coût marginal de production et je vous renvoie une vidéo que je vais mettre dans un coin pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, Jean-Philippe commence par dire qu'effectivement, l'eau augmente tout simplement parce que l'électricité augmente. Et on a besoin d'électricité, d'énergie, même dans le cadre de l'eau. Parce que pour la purifier, pour la transporter, etc., on a besoin d'énergie. Jean-Philippe explique d'ailleurs à Ève que le coût de l'énergie pour l'assainissement et la distribution de l'eau potable a été multiplié par 3 ou plus de 3 même dans son agglomération. Et c'est le cas de villes comme Rennes où le coût de l'énergie pour l'assainissement et la distribution de l'eau potable a été multiplié par 3,5. Et en plus, Jean-Philippe dit qu'il y a une deuxième très bonne raison. C'est le prix de tous les produits qu'on utilise pour rendre l'eau potable. Pour rendre l'eau potable, on utilise de l'eau de Javel, de la soude, du charbon actif, bref, que des produits dont la facture a énormément augmenté. Sur l'agglomération de Rennes, par exemple, on est à plus 1 million d'euros. Et comme Jean-Philippe sent que Ève est mûre, il lui décoche sa troisième flèche, les chantiers de construction. Pour que l'eau reste potable, voire que la qualité de l'eau s'améliore, eh bien, il faut construire de nouveaux chantiers. Or, vous l'avez déjà entendu si vous écoutez cette chaîne, les prix des matériaux de construction ont énormément augmenté. Et même les salaires, eux, ont augmenté de plus de 3% dans la construction. Donc, on a un coût général de la construction qui a augmenté de 15 à 20%. Et c'est une des raisons pour lesquelles les prix de l'eau vont augmenter cette année. Ève comprend très bien tous ces problèmes, mais elle demande à Jean-Philippe comment ils vont s'en sortir, comment elle va pouvoir continuer à prendre des bains ou à manger à sa faim. Et Jean-Philippe lui donne une solution de politicien. Faites cuire vos pâtes avec l'eau de votre bain. Bref, il n'y a pas de petites économies dans la France de 2023. En raccrochant le téléphone, Jean-Philippe se dit qu'il a beaucoup de chance que Ève ne l'ait pas envoyé dans ses retranchements. Parce que il y a encore une chose que Jean-Philippe n'a pas osé dire à Ève. Une des raisons de l'augmentation des prix de l'eau, c'est tout simplement un alignement des communes les unes par rapport aux autres. En fait, dans beaucoup de régions, il y a un prix de l'eau qui est très différent d'une commune à l'autre. Tout ça pour des raisons purement historiques. Et là, sur certains territoires, les collectivités locales ont décidé d'harmoniser leurs prix, de faire en sorte que tous les prix soient à peu près les mêmes dans chaque commune. Et évidemment, ils n'ont pas pris comme exemple la commune la moins chère pour aligner les prix. Bref, cette inflation et cette augmentation des prix de l'énergie, vous allez la ressentir maintenant jusque dans le prix de l'eau du robinet. Et j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que vous avez déjà constaté cette augmentation ? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir d'arrêter de prendre des bains pour prendre uniquement des douches et économiser de l'eau ? Bref, j'aimerais savoir où vous en êtes sur vos économies de tous les jours et si vous arrivez à joindre les deux bouts malgré une inflation qui nous attaque dans tous les sens. Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, l'eau, c'est la vie. Et c'est aussi la mort de ton porte-monnaie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.